Rome, chapitre 7. Le lendemain, comme Pierre, après une longue promenade, se retrouvait devant le Vatican, où une sorte d'obsession le ramenait toujours, il fit de nouveau la rencontre de Monsignore Nani. C'était un mercredi soir, et l'assesseur du Saint-Office venait d'avoir son audience hebdomadaire chez le pape, auquel il rendait compte de la séance tenue le matin par la sacrée congrégation. « Quel heureux hasard, mon cher fils! Justement, je pensais à vous. Désirez-vous voir sa sainteté en public avant de la voir en audience particulière ?» Et il avait son grand air d'obligeance souriante, où l'on sentait à peine l'ironie légère de l'homme supérieur qui savait tout, pouvait tout, préparait tout. « Mais sans doute, monseigneur, répondit Pierre, un peu étonné par la brusquerie de l'offre. « Toute distraction est la bienvenue quand on perd ses journées à attendre. »« Non, non, vous ne perdez pas vos journées, » reprit vivement le prélat. « Vous regardez, vous réfléchissez, vous vous instruisez. Enfin, voici. Sans doute savez-vous que le grand pèlerinage international du denier de Saint-Pierre arrive vendredi à Rome et qu'il sera reçu samedi par sa sainteté. Le lendemain, dimanche, autre cérémonie. Sa sainteté dira la messe à la basilique. Eh bien, il me reste quelques cartes. Voici de très bonnes places pour les 2 jours. » Il avait tiré de sa poche un élégant petit portefeuille orné d'un chiffre d'or où il prit 2 cartes, une verte, une rose, qu'il remit au jeune prêtre. « Ah, si vous saviez comment on se les dispute! Vous vous rappelez ces 2 dames françaises qui se meurent du désir de voir le Saint-Pierre? Je n'ai pas voulu trop insister pour leur obtenir une audience. Elles ont dû se contenter, elles aussi, des cartes que je leur ai données. Oui, le Saint-Père est un peu là. Je viens de le trouver jauni, fiévreux. Mais il a tant de courage. » Il ne vit que par l'âme. » Son sourire disparut avec sa moquerie à peine perceptible. « C'est là un grand exemple pour les impatients, mon cher fils. J'ai appris que l'excellent Monsignore Gamba del Zoppo n'a rien pu pour vous. Il ne faut pas vous en affliger outre mesure. Me permettez-vous de répéter que cette longue attente et sûrement une grâce que vous fait la Providence, en vous renseignant, en vous forçant à comprendre des choses que vous autres, prêtres de France, vous ne sentez malheureusement pas quand vous arrivez à Rome. Et peut-être cela vous évitera-t-il des fautes. Allons, calmez-vous. Dites-vous que les événements sont dans la main de Dieu et qu'ils se produiront à l'heure fixée par sa souveraine sagesse. » Il tendit sa jolie main, souple et grasse, une douce main de femme, mais dont l'étreinte avait la force d'un étau de fer. Et il monta dans sa voiture, qui l'attendait. Justement, la lettre que Pierre avait reçue du vicomte Philibert de la Choue était un long cri de rancune et de désespoir à l'occasion du grand pèlerinage international du denier de Saint-Pierre. Il écrivait de son lit, cloué par une affreuse attaque de gouttes, et il ne pouvait venir. Mais ce qui mettait le comble à sa peine, c'était que le président du comité, chargé naturellement de présenter le pèlerinage au pape, se trouvait être le baron de Fouras, un de ses adversaires acharnés du vieux parti catholique conservateur. Et il ne doutait pas un instant que le baron ne profita de l'occasion unique pour faire triompher dans l'esprit du pape sa théorie des corporations libres, tandis que lui, de la Choue, n'admettait le salut du catholicisme et du monde que par le système des corporations fermées, obligatoires. Aussi suppliait-il Pierre d'agir auprès des cardinaux favorables et d'arriver quand même à être reçu par le Saint-Père, et de ne pas quitter Rome sans lui rapporter l'approbation auguste, qui seule devait décider de la victoire. La lettre donnait en outre d'intéressants détails sur le pèlerinage. 3000 pèlerins, venus de tous les pays, que des évêques et des supérieurs de congrégation amenaient par petits groupes, de France, de Belgique, d'Espagne, d'Autriche, même d'Allemagne. C'était la France qui se trouvait le plus largement représentée, près de 2000 pèlerins. Un comité international avait fonctionné à Paris pour tout organiser, besogne délicate, car il y avait là un mélange voulu, des membres de l'aristocratie, des confréries de dames bourgeoises, des associations ouvrières, les classes, les âges, les sexes confondus, fraternisant dans la même foi. Et le vicomte ajoutait que le pèlerinage, qui portait au pape des millions, avait choisi la date de son arrivée, de manière à être la protestation du catholicisme universel contre les fêtes du 20 septembre par lesquelles le Quirinal venait de célébrer le glorieux anniversaire de Rome capitale. Pierre ne se méfia pas, crut qu'il suffisait d'arriver vers 11 heures, puisque la solennité était pour midi. Elle devait avoir lieu dans la salle des béatifications, une grande et belle salle qui se trouve au-dessus du portique de Saint-Pierre et qu'on a aménagée en chapelle depuis 1890. Une de ses fenêtres ouvre sur la loggia centrale, d'où le pape, nouvellement élu, autrefois bénissait le peuple, Rome et le monde. Elle est précédée de 2 autres salles, la salle royale et la salle ducale. Et lorsque Pierre voulut gagner la place à laquelle sa carte verte lui donnait droit, dans la salle même des béatifications, il les trouva toutes les trois tellement bondées d'une foule compacte qu'il s'ouvrit un chemin avec les plus extrêmes difficultés. Il y avait 1 heure déjà qu'on étouffait de la sorte, dans la fièvre ardente, l'émotion grandissante des 3 à 4 000 personnes enfermées là. Enfin, il put arriver jusqu'à la porte de la 3e salle. Mais il se découragea à y voir l'extraordinaire entassement des têtes. Il n'essaya même pas d'aller plus loin. Cette salle des béatifications, qu'il embrassait d'un regard en se dressant sur la pointe des pieds, était d'une grande richesse, dorée et peinte sous le haut plafond sévère. En face de l'entrée, à la place ordinaire de l'autel, on avait placé, sur une estrade basse, le trône pontifical, un grand fauteuil de velours rouge dont le dossier et les bras d'or resplendissaient. Et les draperies du baldaquin, également de velours rouge, retombaient derrière, déployaient comme 2 larges ailes de pourpre. Mais ce qui l'intéressait surtout, ce qui le saisissait, c'était cette foule d'effrénée passion, telle qu'il n'en avait jamais vue, dont il entendait battre les cœurs à grands coups, dont les yeux trompaient l'impatience fébrile de l'attente en regardant, en adorant le trône vide. Ah, ce trône! Il les éblouissait, il les troublait jusqu'à la pâmoison des âmes dévotes, ainsi que l'ostensoire d'or où Dieu en personne allait daigner prendre place. Il y avait là des ouvriers endimanchés, aux regards clairs d'enfants, aux rudes figures d'extase, des dames bourgeoises vêtues de la toilette noire réglementaire, toutes pâles, d'une sorte de terreur sacrée dans l'excès de leurs désirs. Des messieurs en habit et en cravate blanche, glorieux, soulevés par la conviction qu'ils sauvaient l'Église et les peuples. un groupe de ceux-ci se faisait remarquer particulièrement devant le trône. Tout un paquet d'habits noirs, les membres du comité international, à la tête duquel triomphait le baron de Fouras. Un homme d'une cinquantaine d'années, très grand, très gros, très blond, qui s'agitait, se dépensait, donnait des ordres comme un général au matin d'une victoire décisive. Puis, au milieu de la masse grise et neutre des vêtements, éclatait çà et là la soie violette d'un évêque, chaque pasteur ayant voulu rester avec son troupeau, tandis que des réguliers, des pères supérieurs en robes brunes, noires, blanches, dominaient de toutes leurs hautes têtes barbues ou rasées. À droite et à gauche flottaient des bannières que des associations, des congrégations apportaient en cadeau au pape. Et la houle montait, et un bruit de mer s'enflait toujours. Un tel amour impatient s'exhalait des faces en sueur, des yeux brûlants, des bouches affamées, que l'air s'en trouvait comme épaissi et obscurci dans l'odeur lourde de ce peuple entassé. Mais brusquement, Pierre aperçut près du trône Monsignore Nanni, qui, l'ayant reconnu de loin, lui faisait des signes pour qu'il s'avançât. Et, comme il répondait d'un geste modeste, signifiant qu'il préférait rester où il était, le prélat s'entêta quand même, lui envoya un huissier avec l'ordre de lui ouvrir un chemin. Enfin, lorsque l'huissier le lui eut amené, « Pourquoi donc ne veniez-vous pas occuper votre place ? Votre carte vous donne droit à être ici, à la gauche du trône. »« Ma foi, répondit le prêtre, il y avait tant de monde à déranger que je n'ai pas voulu. Et puis, c'est bien de l'honneur pour moi. »« Non, non, je vous ai donné cette place afin que vous l'occupiez. Je désire que vous soyez au premier rang pour bien voir, pour ne rien perdre de la cérémonie. » Pierre ne put que le remercier. Il vit alors que plusieurs cardinaux et beaucoup de prélats de la famille pontificale attendaient, eux aussi, aux deux côtés du trône. Vainement, il chercha le cardinal Boccanera, qui ne paraissait à Saint-Pierre et au Vatican que les jours où le service de sa charge l'y obligeait. Mais il reconnut le cardinal Sanguinetti, large et fort, qui causait très haut avec le baron de Fouras, le sang au visage. Un instant, Monsignore Nanni revint, de son air complaisant, pour lui montrer deux autres éminences, d'une importance de hauts et puissants personnages. Le cardinal vicaire, un gros homme court, à la face enfiévrée, brûlé d'ambition, et le cardinal secrétaire, robuste, ossu, taillé à coups de hache, un type romantique de bandit sicilien qui se serait décidé pour la discrète et souriante diplomatie ecclésiastique. À quelques pas encore, à l'écart, se tenait le grand pénitencier, silencieux, l'air souffrant, avec un profil gris et maigre d'ascète. Midi était sonné. Il y eut une fausse joie, une émotion qui vint des deux autres salles en une vague profonde. Mais ce n'étaient que les huissiers qui faisaient ranger la foule afin de ménager un passage au cortège. Et tout d'un coup, du fond de la première salle, des acclamations partirent, grandirent, s'approchèrent. Cette fois, c'était le cortège. D'abord, un détachement de gardes suisses en petit uniforme, conduit par un sergent. Puis, les porteurs de chaises en rouge. Puis, les prélats de la cour, parmi lesquels les quatre camériers secrets participants. Et enfin, entre deux pelotons de gardes nobles en demi-gala, le Saint-Père marchait seul, à pied, souriant d'un pâle sourire, bénissant avec lenteur à droite et à gauche. Avec lui, la clameur, montant des salles voisines, s'était engouffrée dans la salle des béatifications, d'une violence d'amour souillant en folie, et, sous la frêle main blanche qui bénissait, toutes ces créatures bouleversées étaient tombées à deux genoux. Il n'y avait plus par terre qu'un écrasement de peuples dévots, comme foudroyés par l'apparition du Dieu. Pierre, emporté, avait frémi, s'était agenouillé avec les autres. Ah, cette toute-puissance, cette contagion irrésistible de la foi, du souffle redoutable de l'au-delà, se décuplant dans un décor et dans une pompe de grandeur souveraine. Un profond silence se fit ensuite, lorsque Léon XIII se fut assis sur le trône, entouré des cardinaux et de sa cour, et, dès lors, la cérémonie se déroula, selon l'usage et le rite. Un évêque parla d'abord, à genoux, pour mettre aux pieds de sa sainteté l'hommage des fidèles de la chrétienté entière. Le président du comité, le baron de Fouras, lui succéda, lut debout un long discours dans lequel il présentait le pèlerinage, en expliquait l'intention, lui donnait toute la gravité d'une protestation à la fois politique et religieuse. Chez ce gros homme, la voix était menue, perçante, les phrases partaient avec un grincement de vrille, et il disait la douleur du monde catholique devant la spoliation dont le Saint-Siège souffrait depuis un quart de siècle, la volonté de tous les peuples, représentée là par des pèlerins, de consoler le chef suprême et vénéré de l'Église en lui apportant l'obole des riches et des pauvres, le denier des plus humbles pour que la papauté vécût, fière, indépendante, dans le mépris de ses adversaires. Il parla aussi de la France, déplora ses erreurs, prophétisa son retour aux traditions saines, fit entendre orgueilleusement qu'elle était la plus opulente, la plus généreuse, celle dont l'or et les cadeaux coulaient à Rome, en un fleuve ininterrompu. Louis XIII enfin se leva, répondit à l'évêque et au baron. Sa voix était grosse, fortement nasale, une voix qui surprenait au sortir d'un corps si mince. Et en quelques phrases, il témoigna sa gratitude, dit combien son cœur était ému de ce dévouement des nations à la papauté. Les temps avaient beau être mauvais, le triomphe final ne pouvait tarder davantage. Des signes évidents annonçaient que le peuple revenait à la foi, que les iniquités cesseraient bientôt sous le règne universel du Christ. Quant à la France, n'était-elle pas la fille aînée de l'Église qui avait donné au Saint-Siège trop de marques de tendresse pour que celui-ci cessât jamais de l'aimer? Puis, levant le bras, à tous les pèlerins présents, aux sociétés et aux œuvres qu'ils représentaient, à leurs familles et à leurs amis, à la France, à toutes les nations de la catholicité, pour les remercier de l'aide précieuse qu'elle lui envoyait, il accorda sa bénédiction apostolique. Pendant qu'il se rasseyait, des applaudissements éclatèrent, des salves frénétiques qui durèrent pendant 10 minutes, mêlées à des vivats, à des cris inarticulés, tout un déchaînement passionné de tempête dont la salle tremblait. Et, sous le vent de cette furieuse adoration, Pierre regardait Léon XIII, redevenu immobile sur le trône. Coiffé du bonnet papal, les épaules couvertes de la pèlerine rouge garnie d'hermine, il avait, dans sa longue soutane blanche, la raideur hiératique de l'idole que 250 millions de chrétiens vénèrent. Sur le fond de pourpre des rideaux du baldaquin, entre cet écartement ailé des draperies ou brûlait comme un brasier de gloire, il prenait une véritable majesté. Ce n'était plus le vieillard débile à la petite marche saccadée, au cou frêle de pauvre oiseau malade. Le déchargement du visage, le nez trop fort, la bouche trop fendue, disparaissait. Dans cette face de cire, on ne distinguait que les yeux admirables, noirs et profonds, d'une éternelle jeunesse, d'une intelligence, d'une pénétration extraordinaire. Puis, c'était un redressement volontaire de toute la personne, une conscience de l'éternité qu'il représentait, une royale noblesse qui lui venait de n'être plus qu'un souffle, une âme pure dans un corps d'ivoire si transparent qu'on y voyait cette âme déjà, comme délivrée des liens de la terre. Et Pierre, alors, sentit ce qu'un tel homme, le pontife souverain, le roi obéi de 250 millions de sujets, devait être pour les dévotes et dolentes créatures qui venaient l'adorer de si loin, foudroyées à ses pieds par le resplendissement des puissances qu'il incarnait. Derrière lui, dans la pourpre des rideaux, quelle ouverture brusque sur l'au-delà! Quel infini d'idéal et de gloire aveuglante! En un seul être, l'élu, l'unique, le surhumain! Tant de siècles d'histoire depuis l'apôtre Pierre, tant de force, de génie, de lutte, de triomphe! Puis, quel miracle sans cesse renouvelé! Le ciel daignant descendre dans cette chair humaine, Dieu habitant ce serviteur qu'il a choisi, qu'il met à part, qu'il sacre au-dessus de l'immense foule des autres vivants, en lui donnant tout pouvoir et toute science. Quel trouble sacré! Quel émoi des pères du tendresse! Dieu dans un homme, Dieu sans cesse là, au fond de ses yeux, parlant par sa voix, émanant de chacun de ses gestes de bénédiction. S'imaginait-on cet absolu exorbitant d'un monarque infaillible, l'autorité totale en ce monde et le salut dans l'autre? Dieu visible! Et comme l'on comprenait le vol vers lui, des âmes dévorées du besoin de croire, l'anéantissement en lui de ces âmes qui trouvaient enfin la certitude tant cherchée, la consolation de se donner et de disparaître en Dieu même. Mais la cérémonie s'achevait. Le baron de Fouras présentait au Saint-Père les membres du comité, ainsi que quelques autres membres importants du pèlerinage. C'était un lent défilé, des génuflexions tremblantes, le baiser goulu à la mule et à l'anneau. Puis les bannières furent offertes, et Pierre eut un serrement de cœur en reconnaissant dans la plus belle, la plus riche, une bannière de Lourdes, donnée sans doute par les pères de l'Immaculée Conception. Sur la soie blanche, brodée d'or, d'un côté la Vierge de Lourdes était peinte, tandis que de l'autre se trouvait le portrait de Léon XIII. Il le vit sourire à son image. Il en eut un grand chagrin, comme si tout son rêve d'un pape intellectuel, évangélique, dégagé des basses superstitions, croulait. Et ce fut à ce moment qu'il rencontra de nouveau les regards de Monsignor et Nanni, qui ne le quittait pas des yeux depuis le commencement de la solennité, étudiant ses moindres impressions de l'air curieux d'un homme en train de se livrer à une expérience. Il s'était rapproché, il dit « Elle est superbe, cette bannière, et quelle joie pour sa sainteté d'être si bien peinte en compagnie de cette jolie sainte Vierge !» Puis, comme le jeune prêtre ne répondait pas, devenu pâle, il ajouta avec un air de dévote jouissance italienne, « Nous aimons beaucoup Lourdes à Rome. C'est si délicieux, cette histoire de Bernadette. » Et ce qui se passa alors fut si extraordinaire que Pierre en resta longtemps bouleversé. Il avait vu à Lourdes des spectacles d'une idolâtrie inoubliable, des scènes de foi naïve, de passions religieuses exaspérées, dont il frémissait encore d'inquiétude et de douleur. Mais les foules se ruant à la grotte, les malades expirant d'amour devant la statue de la Vierge, tout un peuple délirant sous la contagion du miracle, rien n'approchait du coup de folie qui souleva, qui emporta les pèlerins aux pieds du pape. Des évêques, des supérieurs de congrégation, des délégués de toutes sortes s'étaient avancés pour déposer près du trône les offrandes qu'ils apportaient du monde catholique entier, la collecte universelle du donné de Saint-Pierre. C'était l'impôt volontaire d'un peuple à son souverain, de l'argent, de l'or, des billets de banque, enfermés dans des bourses, dans des aumônières, dans des portefeuilles. Et des dames vinrent ensuite, qui tombaient à genoux pour tendre les aumônières de soie ou de velours qu'elles avaient brodées. Et d'autres avaient fait mettre sur les portefeuilles le chiffre en diamant de Léon XIII. Et l'exaltation devint telle un instant que des femmes se dépouillèrent, jetèrent leur porte-monnaie jusqu'aux sous qu'elles avaient sur elles. Une très belle, très brune, mince et grande, arracha sa montre de son cou, ôta ses bagues, les lança sur le tapis de l'estrade. Toutes auraient arraché leur chair pour sortir leur cœur brûlant d'amour, le jeter aussi, se jeter entière sans rien garder d'elle. Ce fut une pluie de présents, le don total, la passion qui se dépouille en faveur de l'objet de son culte, heureuse de n'avoir rien à elle qui ne soit à lui. Et cela, au milieu d'une clameur croissante, des vivats qui avaient repris, des cris d'adoration suraigus, tandis que des poussées de plus en plus violentes se produisaient, tous et toutes cédant à l'irrésistible besoin de baiser l'idole. Un signal fut donné. Léon XIII se hâta de descendre du trône et de reprendre sa place dans le cortège pour regagner ses appartements. Des gardes suisses maintenaient énergiquement la foule, tâchaient de dégager le passage au travers des trois salles. Mais à la vue du départ de sa sainteté, une rumeur de désespoir avait grandi, comme si le ciel se fût refermé brusquement devant ceux qui n'avaient pu s'approcher encore. Quelle déception affreuse ! Avoir eu Dieu, visible, et le perdre avant de gagner son salut, rien qu'en le touchant. La bousculade fut si terrible que la plus extraordinaire confusion régna, balayant les gardes suisses. Et l'on vit des femmes se précipiter derrière le pape, se traîner à quatre pattes sur les dalles de marbre, y baiser ses traces, y boire la poussière de ses pas. La grande dame brune, tombée au bord de l'estrade, venait de s'y évanouir en poussant un grand cri. Et deux messieurs du comité la tenaient, afin qu'elle ne se blessât point dans l'attaque nerveuse qui la convulsait. Une autre, une grosse blonde, s'acharnait, mangeait des lèvres et perdument un des bras dorés du fauteuil où s'était posé le pauvre coude frêle du vieillard. D'autres l'aperçurent, vinrent le lui disputer, s'emparèrent des deux bras, du velours, la bouche collée au bois et à l'étoffe, le corps secoué de gros sanglots. Il fallut employer la force pour les en arracher. Pierre, quand ce fut fini, sortit comme d'un rêve pénible, le cœur soulevé, la raison révoltée. Et il retrouva le regard de Monsignor Nanni, qui ne le quittait point. Une cérémonie superbe, n'est-ce pas ? Dit le prélat. Cela console de bien des iniquités. Oui, sans doute, mais quelle idolâtrie ! Ne put s'empêcher de murmurer le prêtre. Monsignor Nani se contenta de sourire, sans relever le mot, comme s'il ne l'eût pas entendu. À ce moment, les deux dames françaises, auxquelles il avait donné des cartes, s'approchèrent pour le remercier. Et Pierre eut la surprise de reconnaître en elles les deux visiteuses des catacombes, la mère et la fille, si belles, si gaies et si saines. D'ailleurs, celles-ci n'étaient enthousiastes que du spectacle. Elles déclarèrent qu'elles étaient bien contentes d'avoir vu ça, que c'était une chose étonnante, unique au monde. Brusquement, dans la foule qui se retirait sans hâte, Pierre se sentit toucher à l'épaule et il aperçut Narcisse Habert, très enthousiaste lui aussi. « Je vous ai fait des signes, mon cher abbé, mais vous ne m'avez pas vu. Hein, cette femme brune qui est tombée raide, les bras en croix, était-elle admirable d'expression ? Un chef-d'œuvre des primitifs, un Cimabu, un Giotto, un Fra Angelico. Et les autres, celles qui mangeaient le baiser les bras du fauteuil. Quel groupe de suavité, de beauté et d'amour. Jamais je ne manque ces cérémonies. Il y a toujours à y voir des tableaux, des spectacles d'âme. » Avec lenteur, l'énorme flot des pèlerins s'écoulait, descendait l'escalier, dans la brûlante fièvre dont le frisson persistait. Et Pierre, suivi de Monsignor et Nani et de Narcisse, qui s'étaient mis à causer ensemble, réfléchissait sous le tumulte d'idées battant son crâne. Certes, c'était grand et beau. Ce pape qui s'était muré au fond de ce Vatican, qui avait monté dans l'adoration et dans la terreur sacrée des hommes, à mesure qu'il disparaissait davantage, qu'il devenait un pur esprit, une pure autorité morale dégagée de tout souci temporel. Il y avait là une spiritualité, un envolement en plein idéal dont il était remué profondément, car son rêve d'un christianisme rajeuni reposait sur ce pouvoir épuré, uniquement spirituel du chef suprême. Et il venait de constater ce qui gagnait, en majesté et en puissance, ce souverain pontife de l'au-delà, au pied duquel s'évanouissaient les femmes, qui, derrière lui, voyaient Dieu. Mais, à la même minute, il avait senti tout d'un coup se dresser la question d'argent, gâtant sa joie, remettant à l'étude le problème. Et si l'abandon forcé du pouvoir temporel avait grandi le pape, en le libérant des misères d'un petit roi menacé sans cesse, le besoin d'argent restait encore comme un boulet à son pied, qui le clouait à la terre. Puisqu'il ne pouvait accepter la subvention du royaume d'Italie, l'idée vraiment touchante du denier de Saint-Pierre aurait dû sauver le Saint-Siège de tout souci matériel, à la condition que ce denier fut en réalité le sou du catholique, l'obole de chaque fidèle prise sur le pain quotidien, envoyé directement à Rome, tombant de l'humble main qui la donne dans l'auguste main qui la reçoit. Sans compter qu'un tel impôt volontaire, payé par le troupeau à son pasteur, suffirait à l'entretien de l'Église. Si chaque tête des 250 millions de chrétiens donnait simplement son sou par semaine. De la sorte, le pape, devant à tous, à chacun de ses enfants, ne devrait rien à personne. C'était si peu un sou, et si aisé, si attendrissant. Malheureusement, les choses ne se passaient point ainsi. Le plus grand nombre des catholiques ne donnait pas, des riches envoyaient de grosses sommes par passion politique, et surtout les dons se centralisaient entre les mains des évêques et de certaines congrégations, de manière que les véritables donateurs semblaient être ces évêques, ces puissantes congrégations, qui devenaient ouvertement les bienfaiteurs de la papauté, les caisses indispensables où elle puisait sa vie. Les petits et les humbles, dont l'obol emplissait le tronc, étaient comme supprimés. C'étaient des intermédiaires, des hauts seigneurs séculiers ou réguliers que dépendait le pape, forcé dès lors de les ménager, d'écouter leurs remontrances, d'obéir parfois à leurs passions, s'ils ne voulaient voir se tarir les aumônes. Allégés du poids mort du pouvoir temporel, ils n'étaient tout de même pas libres. Tributaires de son clergé, ayant à tenir compte autour de lui de trop d'intérêts et d'appétits pour être le maître hautain, pur, tout âme, le maître capable de sauver le monde. Et Pierre se rappelait la grotte de Lourdes dans les jardins, la bannière de Lourdes qu'il venait de voir, et il savait que les pères de Lourdes prélevaient chaque année une somme de 200 000 francs sur les recettes de leurs vierges pour les envoyer en cadeau au Saint-Père. N'était-ce pas la grande raison de leur toute-puissance? Il frémit. Il eut la brusque conscience que, malgré sa présence à Rome, malgré l'appui du cardinal Bergerot, il serait battu et son livre condamné. Enfin, comme il débouchait sur la place Saint-Pierre, dans la bousculade dernière des pèlerins, il entendit Narcisse qui demandait « Vraiment, vous croyez que les dons aujourd'hui ont dépassé ce chiffre ?»« Oh, plus de 3 millions, j'en suis convaincu !» répondit Monsignor Enagne. Tous trois s'arrêtèrent un moment, sous la colonnade de droite, regardant l'immense place ensoleillée, où les 3 000 pèlerins se répandaient, petites taches noires, foule agitée, telle qu'une fourmilière en révolution. 3 millions ! Ce chiffre avait sonné aux oreilles de Pierre. Et il leva la tête, il regarda, de l'autre côté de la place, les façades du Vatican, toutes dorées dans le soleil, sur l'infini ciel bleu, comme s'il avait voulu suivre, au travers des murs, la marche de Léon XIII, regagnant par les galeries et par les salles son appartement, dont il apercevait là-haut les fenêtres. Il le voyait en pensée, chargé des 3 millions, les emportant sur lui, entre ses frêles bras serrés contre sa poitrine, emportant l'or, l'argent, les billets, et jusqu'aux bijoux que les femmes avaient jetés. Puis, tout haut, inconsciemment, il parla. « Et qu'en va-t-il faire de ces millions? Où s'en va-t-il avec ?» Narcisse et Monsignor et Nanni, lui-même, ne purent s'empêcher de s'égayer à cette curiosité formulée de la sorte. Ce fut le jeune homme qui répondit. « Mais sa sainteté les emporte dans sa chambre ?» Ou du moins, elle les y fait porter devant elle. N'avez-vous pas vu 2 personnes de la suite qui ramassaient tout, les poches et les mains pleines? Et maintenant, sa sainteté est enfermée, toute seule. Elle a congédié le monde, elle a poussé soigneusement les verrous des portes. Et si vous pouviez l'apercevoir derrière cette façade, vous la verriez compter et recompter son trésor, avec une attention heureuse, mettre en bon ordre les rouleaux d'or, glisser les billets de banque dans des enveloppes, par petits paquets égaux, puis tout ranger, tout faire disparaître au fond de cachette connue d'elle seule. Pendant que son compagnon parlait, Pierre avait de nouveau levé les yeux sur les fenêtres du pape, comme s'il avait suivi la scène. D'ailleurs, le jeune homme continuait ses explications, disait que dans la chambre, contre le mur de droite, il y avait un certain meuble, où l'argent était serré. Les uns parlaient aussi des profonds tiroirs d'un bureau, et d'autres, enfin, affirmaient qu'au fond de l'alcôve, qui était très vaste, l'argent dormait dans de grandes malles cadenassées. Il y avait bien, à gauche du couloir menant aux archives, une grande pièce où se tenait le caissier général, avec un monumental coffre-fort à trois compartiments. Mais là était l'argent du patrimoine de Saint-Pierre, les recettes administratives faites à Rome. Tandis que l'argent du denier des aumônes de la chrétienté entière restait entre les mains de Léon XIII, qui seul en savait exactement le chiffre et qui vivait seul avec ses millions, dont il disposait en maître absolu sans rendre de compte à personne. Aussi ne quittait-il pas sa chambre lorsque les domestiques faisaient le ménage. À peine consentait-il à rester sur le seuil de la pièce voisine pour éviter la poussière. Et quand il devait s'absenter pendant quelques heures, descendre dans les jardins, il fermait les portes à double tour. Il emportait sur lui les clés qu'il ne confiait jamais à personne. Narcisse s'arrêta, se tourna vers Monsignor et Nanni. « N'est-ce pas, monseigneur? Ce sont là des faits connus de toute Rome. » Le prélat, qui hochait la tête de son air souriant, sans approuver ni désapprouver, s'était remis à suivre sur le visage de Pierre l'effet produit par ces histoires. « Sans doute, sans doute, on dit tant de choses. Je ne le sais pas, moi. Mais puisque vous le savez, monsieur Habert. » « Oh !» reprit celui-ci, « je n'accuse pas sa sainteté d'avarice sordide, comme le bruit en cour. Il circule des fables, les coffres pleins d'or, où elle passerait des heures à plonger les mains, les trésors entassés dans des coins pour le plaisir de les compter et de les recompter sans cesse. Seulement, on peut bien admettre que le Saint-Père aime tout de même un peu l'argent pour lui-même, pour le plaisir de le toucher, de le ranger, quand il est seul. Une manie bien excusable chez un vieillard qui n'a point d'autre distraction. Et je me hâte d'ajouter qu'il aime l'argent plus encore pour la force sociale qui est en lui, pour l'appui décisif qu'il doit donner à la papauté de demain, si elle veut vaincre. » Alors se dressa la très haute figure de ce pape, prudent et sage, conscient des nécessités modernes, enclin à utiliser les puissances du siècle pour le conquérir, faisant des affaires, ayant même failli perdre dans un désastre le trésor laissé par Pie IX, et voulant réparer la brèche, reconstituer le trésor, afin de le léguer, solide et grossi, à son successeur. Économe, oui! Mais économe pour les besoins de l'Église, qu'il sentait immense, plus grand chaque jour, d'une importance vitale si elle voulait combattre l'athéisme sur le terrain des écoles, des institutions, des associations de toutes sortes. Sans argent, elle n'était plus qu'une vassale, à la merci des pouvoirs civils, du royaume d'Italie et des autres nations catholiques. Et c'était ainsi que, tout en étant charitable, en soutenant largement les œuvres utiles qui aidaient au triomphe de la foi, il avait le mépris des dépenses sans but. Il se montrait d'une dureté hautaine pour lui-même et pour les autres. Personnellement, il était sans besoin. Dès le début de son pontificat, il avait nettement séparé son petit patrimoine privé du riche patrimoine de Saint-Pierre, se refusant à rien distraire de celui-ci pour aider les siens. Jamais souverain pontife n'avait moins cédé au népotisme, à ce point que ses trois neveux et ses deux nièces restaient pauvres, dans de gros embarras pécuniaires. Il n'entendait ni les commérages, ni les plaintes, ni les accusations. Il restait intraitable et debout, défendant avec rudesse les millions de la papauté contre tant d'acharnées convoitises, contre son entourage et contre sa famille, dans l'orgueil de laisser au pape futur l'arme invincible, l'argent qui donne la vie. Mais, en somme, demanda Pierre, quelles sont les recettes et quelles sont les dépenses du Saint-Siège ? Monsignore Nanni se hâta de répéter son aimable geste évasif. « Oh, en ces matières, je suis d'une ignorance. Adressez-vous à M. Habert, qui est si bien renseigné. »« Mon Dieu !» déclara celui-ci, « je sais ce que tout le monde sait dans les ambassades, ce qui se répète couramment. Pour les recettes, il faut distinguer. D'abord, il y avait le trésor laissé par Pie IX, une vingtaine de millions, placés de façon diverse, qui rapportait à peu près 1 million de rentes. Mais, comme je vous l'ai dit, un désastre est survenu, presque réparé maintenant, assure-t-on. Puis, outre le revenu fixe des capitaux placés, il y a les quelques centaines de mille francs que produisent, bon an, mal an, les droits de chancellerie de toutes sortes, les titres nobiliaires, les 1000 petits frais que l'on paie aux congrégations. Seulement, comme le budget des dépenses dépasse 7 millions, vous voyez qu'il fallait en trouver 6 chaque année. Et c'est sûrement le denier de Saint-Pierre qui les a fournis. Pas les 6 peut-être, mais 3 ou 4, avec lesquels on a spéculé pour les doubler et joindre les deux bouts. Ce serait trop long, cette histoire des spéculations du Saint-Siège, depuis une quinzaine d'années. Les premiers gains énormes, puis la catastrophe qui a failli tout emporter. Enfin, l'obstination aux affaires qui peu à peu a bouché les trous. Je vous la conterai un jour, si vous êtes curieux de la connaître. Pierre écoutait, très intéressé. 6 millions ! S'écria-t-il. Même 4 ! Que rapporte-t-il donc le denier de Saint-Pierre ? Ça, je vous le répète, personne ne l'a jamais su exactement. Autrefois, les journaux catholiques publiaient des listes, les chiffres des offrandes, et l'on pouvait arriver à une certaine approximation. Mais sans doute on a jugé cela mauvais, car aucun document ne paraît plus. Il est devenu radicalement impossible de se faire même une idée de ce que le pape reçoit. Lui seul, je le dis encore, connaît le chiffre total, garde l'argent et en dispose, en souverain maître. Il est à croire que les bonnes années, les dons ont produit de 4 à 5 millions. La France entrait d'abord pour la moitié dans cette somme. Mais elle donne certainement moins aujourd'hui. L'Amérique donne également beaucoup. Puis viennent la Belgique et l'Autriche, l'Angleterre et l'Allemagne. Quant à l'Espagne et à l'Italie, l'Italie. Il eut un sourire en regardant Monsignore Nanni, qui béatement dodelinait de la tête, de l'air d'un homme enchanté d'apprendre des choses curieuses dont il n'aurait pas su le premier mot. Allez, allez, mon cher fils. Ah, l'Italie ne se distingue guère. Si le pape n'avait pour vivre que les cadeaux des catholiques italiens, la famine régnerait vite au Vatican. On peut même dire que, loin de venir à son aide, la noblesse romaine lui a coûté fort cher, car une des principales causes de ses pertes a été l'argent prêté par lui aux princes qui spéculaient. Il n'y a réellement que la France et l'Angleterre où de riches particuliers, de grands seigneurs, ont fait au pape, prisonnier et martyr, de royales aumônes. On cite un duc anglais qui, chaque année, apportait une offrande considérable à la suite d'un vœu pour obtenir du ciel la guérison d'un misérable fils frappé d'imbécilité. Et je ne parle pas de l'extraordinaire moisson pendant le jubilé sacerdotal et le jubilé épiscopal, des 40 millions qui s'abattirent alors aux pieds du pape. « Et les dépenses ?» demanda Pierre. « Je vous l'ai dit, elles sont de 7 millions à peu près. On peut compter pour 2 millions les pensions payées aux anciens serviteurs du gouvernement pontifical qui n'ont pas voulu servir l'Italie. Mais il faut ajouter que chaque année, ce chiffre diminue par suite des extinctions naturelles. Ensuite, en gros, mettons 1 million pour les diocèses italiens, 1 million pour la secrétairerie et les nonces, 1 million pour le Vatican. J'entends par ce dernier article les dépenses de la cour pontificale, des gardes militaires, des musées, de l'entretien du palais et de la basilique. Nous sommes à 5 millions, n'est-ce pas? Mettez les deux autres pour les œuvres soutenues, pour la propagande, et surtout pour les écoles, que Léon XIII, avec son grand sens pratique, subventionne toujours très largement dans la juste pensée que la lutte, le triomphe de la religion, est là, chez les enfants qui seront les hommes de demain et qui défendront leur mère, l'Église, si l'on a su leur inspirer l'horreur des abominables doctrines du siècle. Il y eut un silence. Les trois hommes s'arrêtèrent sous la majestueuse colonnade où ils se promenaient à petits pas. Peu à peu, la place s'était vidée de sa foule grouillante. Il n'y avait plus que l'obélisque et les deux fontaines dans le désert brûlant du pavé symétrique. Tandis qu'au plein soleil, sur l'entablement du portique d'en face, se détachaient les statues en nobles rangées immobiles. Et Pierre, un instant, les yeux levés encore vers les fenêtres du pape, crut de nouveau le voir dans ce ruissellement d'or dont on lui parlait, baignant de toute sa personne blanche et pure, de tout son pauvre corps de cire transparente, au milieu de ces millions qu'il cachait, qu'il comptait, qu'il dépensait à la seule gloire de Dieu. « Alors, murmura-t-il, il est sans inquiétude, il n'est pas embarrassé. »« Embarrassé ? Embarrassé ? » s'écria Monsignor Enani, que ce mot jeta hors de lui, au point de le faire sortir de sa diplomatique discrétion. « Ah, mon cher fils, chaque mois, lorsque le trésorier, le cardinal Mocheni, va chez sa sainteté, elle lui donne toujours la somme qu'il demande. Elle la donnerait, si forte qu'elle fût. Certainement, elle a eu la sagesse de faire de grandes économies. Le trésor de Saint-Pierre est plus riche que jamais. Embarrassé, embarrassé, bonté divine. Mais savez-vous bien que, si demain, dans des circonstances malheureuses, le souverain pontife faisait un appel direct à la charité de tous ses enfants, des catholiques du monde entier, 1 milliard tomberait à ses pieds, comme cet or, comme ces bijoux qui tout à l'heure pleuvaient sur les marches de son trône. Et se calmant soudain, retrouvant son joli sourire, « Du moins, c'est ce que j'entends dire parfois, car moi, je ne sais rien, je ne sais absolument rien. Et il est heureux que M. Habert se soit trouvé justement là pour vous renseigner. » Ah, monsieur Habert, monsieur Habert, moi qui vous croyais tout envolé, évanoui dans l'art, bien loin des basses questions d'intérêt terrestre. Vraiment, vous vous entendez à ces choses comme un banquier et comme un notaire. Rien ne vous est inconnu, non, rien, c'est merveilleux. Narcisse dut sentir la fine ironie, car il y avait, en effet, au fond de son être, sous le Florentin d'emprunt, sous le garçon angélique aux longs cheveux bouclés, aux yeux mauves qui se noyaient devant les Botticelli, un gaillard pratique, très rompu aux affaires, menant admirablement sa fortune, un peu avare même. Il se contenta de fermer à demi les paupières d'un air de langueur. « Oh ! » murmura-t-il, « tous mes rêveries et mon âme est autre part. » « Enfin, je suis heureux, » reprit Monsignor et Nanny en se tournant vers Pierre. « Bien heureux que vous ayez pu assister à un spectacle si beau. Encore quelques occasions pareilles et vous aurez vu, vous aurez compris par vous-même ce qui vaudra certainement mieux que toutes les explications du monde. À demain. Ne manquez pas la grande cérémonie à Saint-Pierre. Ce sera magnifique. Vous en tirerez des réflexions excellentes, j'en suis certain. Et permettez-moi de vous quitter, ravi des bonnes dispositions où je vous vois. » Ses yeux d'enquête, dans un dernier regard, semblaient avoir constaté avec joie la lassitude, l'incertitude qui pâlissait le visage de Pierre. Et quand il ne fut plus là, quand Narcisse lui-même eut pris congé d'une légère poignée de main, le jeune prêtre, resté seul, sentit une sourde colère de protestation monter en lui. Les bonnes dispositions où il était! Quelles bonnes dispositions! Ce Nanny espérait-il donc le fatiguer, le désespérer en le heurtant aux obstacles, de façon à le vaincre ensuite tout à l'aise? Une seconde fois, il eut la soudaine et brève conscience du sourd travail qu'on faisait autour de lui pour l'investir et le briser. Et un flot d'orgueil le rendit dédaigneux, dans la croyance où il était de sa force de résistance. De nouveau, il se jurait de ne jamais céder, de ne pas retirer son livre, quels que fussent les événements. Lorsqu'on s'entête dans une résolution, on est inexpugnable, qu'importe les découragements et les amertumes. Mais, avant de traverser la place, il leva encore les regards sur les fenêtres du Vatican. Et tout se résumait. Il ne restait que cet argent, dont la lourde nécessité attachait à la terre, par de dernières entraves, le aujourd'hui délivré des bas soucis du pouvoir temporel. Cet argent qui le liait, que rendait mauvais surtout la façon dont il était donné. Alors, quand même, une joie lui revint, en pensant que, s'il y avait uniquement là une question de perception à trouver, son rêve d'un pape tout âme, loi d'amour, chef spirituel du monde, n'en était pas atteint sérieusement. Et il ne voulut plus qu'espérer, dans l'émotion heureuse du spectacle extraordinaire qu'il avait vu, ce vieillard débile resplendissant comme le symbole de la délivrance humaine, obéi et adoré des foules, ayant seul en main la toute-puissance morale de faire enfin régner sur la terre la charité et la paix.